3回スレクタのオリジナルパッピーグレッドプレゼントゴールドコナペル3回のアン39回テコンサードイちゃん パデコチュロトーズオルマイティpersonne n'est parfait. Je suis ce que je suis tel que le bon Dieu m'a fait. La violence est l'âme du faible. Représente ces poètes et tes si qui crient à l'aide. La patience est contenir ses émotions quand on aime. Ne pas décourager quel que soit le problème. Une fois de plus on la ramène, voilà le radim. Frère faut qu'on s'entraide sur un bad redeem. Fireball leur système. Mais ces people aïta sur l'avenue des DJ Kaira. Le mighty pour qui j'ai la face. Sans plus tarder rouille à lève ton bras. 9-4 on caillore la loi côté comme pure graine de Scala. Contre-attaque sur le Max and Talara. Caille son cosa nostra. Pas d'être trop sur l'autre haute call mighty. Plus on a serviteur, plus on est mal servi. Autant serviteur dans la vie, oh là là. Implique autant d'ennemis, l'ami. Pas d'être au sur l'autre route, call mighty. Plus on a serviteur, plus on est mal servi. Autant serviteur dans la vie, oh. Implique autant d'ennemis, l'ami. Oh la mighty God, j'te demande d'épargner tous ces jeunes. Que la vie change en chacun. La banlieue devient une jeune. Et tous veulent en sentir normal. La route passe le people. Qu'on dit à l'instinct. Gagner mal conséquence. Qu'un riag inégalalalala. Qui pour bonhomme s'avère fatal. Point rechangé en terrain d'affront. Paré pour la bataille. La flic aille traque les bas-fonds. Et sous les bavures. Trop frères s'étale. S'envole trop tôt. Tout plein candide. Les pères et mères en larmes. Les agents débordés. Deviennent victimes de leur propre balle. Mon atmosphère s'écroule pourrie. Pendant que le mal s'installe. Rend nos vies instables. Ça me le trouve. Provoque une jeunesse illégale à qui. On délimite l'espace d'abasse. Au comico légalement. De Halo, de l'Armageddon. On tient le signal. Et moi également. Pas d'être au-dessus de l'autre route, call mighty. Plus on a serviteur, plus on est mal servi. Autant de serviteur dans la vie, oh là là. Implique autant d'ennemis, l'ami. Pas d'être au-dessus de l'autre route, call mighty. Plus on a serviteur, plus on est mal servi. Autant de serviteur dans la vie, oh. Implique autant d'ennemis, l'ami. Ils sont tous à leur place dans ce business d'enculé. Rempli de blondes à cinq où les mecs font les tasses. Oh. Par la même j'envoie une force pour tous les jeunes des ghettos qui crient à l'aide. Babylone est un tour route, un équilibre au-dessus de l'arène. Mes soldats bombent le torse, même s'ils complotent pour que tu cèdes. Le mighty God règne au plus haut, solidarité notre seul remède. Mais ces people aïta sur l'avenue des DJ Kaira. Le mighty pour qui j'ai la foi sans plus tarder rouille à lèvres ton bras. Big Red son caillor, la loi côté comme pure graine de Scala. Contre-attaque sur le Max and Talara, caille son cosa nostra. Pas des trous sur l'autre route, call mighty. Plus on a servi. Maintenant c'est maintenant le monde élémentaire. Original Sun Kai Fan Big Web on the mic and single bull the lines.